marcher. Je voulais tout partager. Des fois les relations, y'a des petites tâches. C'est toi qui repars fâché. À passer de bâtard, des années de mitard qu'il fallait t'en cacher. Tu sais dans mon regard, tellement c'est noir ce que ça laisse présager. Déjà trop de soucis dans la tête, je demande à Dieu de me les faire oublier. Tous les matins je me réveille, y'a deux trois connards qui voudront me couiller. La vie c'est pas que donner des ordres, des fois faut le faire et diront que t'es rouillé. Mon gros fait se mouiller, même au placard ils peuvent pas nous fouiller. Si je pars en fuite, personne ne va me trouver. Un attentat, ce soir je te paye, oui t'es trop bonne mais t'attendras. Un beau rooftop avec la vue sur la Alhambra. Ne sais pas jouir quand je me décide, elle apprendra. Un arrache marié, la vie a tourné le sablier. Tout pour des liens de sanglier, c'est moi qui ai retourné le sablier. Perdu mon temps pour un tablier, pourquoi j'ai retourné le sablier. Retourné le sablier, pourquoi j'ai retourné le sablier. À la rue je m'arrayais, la vie a tourné le sablier. Pour des liens de sanglier, c'est moi qui ai retourné le sablier. Perdu mon temps pour un tablier, pourquoi j'ai retourné le sablier. Retourné le sablier, pourquoi j'ai retourné le sablier. Dans les rues Paris la nuit dans la RS, je vois la vie devant moi. Je croise des mecs qui sont de la même espèce. Ça pue à mort, il faut quitter l'endroit. On a le bonheur chez nous qui pue l'herpès. L'argent respecte celui qui l'emploie. C'est malheureux par les temps qui courent. Il ne court qu'après ceux qui les baisent. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que le temps c'est de l'argent? J'ai déjà répondu, ça fait 10 ans. Est-ce que le temps c'est de l'argent? J'ai déjà répondu, ça fait 10 ans. C'est vrai que des fois je me sens puissant. Tourbillon, train de vie épuisant. Je me suis baladé autour du monde. Je vois plus grand chose, ça fait 10 ans. Un attentat, ce soir je te paye, oui t'es trop bonne mais t'attendras. Un beau rooftop avec la vue sur la Alhambra. Ne sais pas jouir quand je me décide, elle apprendra. À la rue je suis marié, la vie a tourné le sablier. Pour des liens de sanglier, c'est moi qui ai retourné le sablier. Perdu mon temps pour un tablier, pourquoi j'ai retourné le sablier. Retourné le sablier, pourquoi j'ai retourné le sablier. À la rue je suis marié, la vie a tourné le sablier. Pour des liens de sanglier, c'est moi qui ai retourné le sablier. Perdu mon temps pour un tablier, pourquoi j'ai retourné le sablier. Retourné le sablier, pourquoi j'ai retourné le sablier. Un attentat, ce soir je te paye, oui t'es trop bonne.